Les Jeux du Québec débutent ce soir à Alma et on aura des reportages même cette semaine, même samedi, dimanche et l'autre fin de semaine également. On parle avec Camille Girand qui sera avec nous pour nous donner les résultats, nous donner l'ambiance qui règne à 1 h d'ici. Salut Camille! Oui, bonjour! Camille, d'abord, si on parlait un peu de l'ambiance qui règne. Moi, j'ai entendu des gens à Radio X-Saguenay dire que Alma, ça vibrait pas tant que ça. Fallait savoir qu'il y ait les Jeux du Québec. Est-ce que c'est vrai? Mais en fait, nous, on est vraiment là à l'intérieur de l'hébergement. Donc, je peux vous dire que là, il y a énormément d'action. Pour ce qui est de la ville, là, nous, on n'est pas sortis, mais lorsque les athlètes sont arrivés, il y avait de l'action au niveau de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. À quoi s'attendre maintenant? À quoi s'attendre? C'est une énorme question. Je pense qu'on va avoir des médailles, on va avoir des bons résultats, puis on va avoir des athlètes qui vont se démarquer. Ça va être une belle édition, je pense. On a des bons athlètes, ils sont prêts, ils ont hâte, ils sont confiants. OK. Est-ce que tu as eu des informations maintenant concernant un petit peu la cérémonie d'ouverture ce soir? Comment que ça va se dérouler? En fait, nous, on est, si je me trompe pas, la dernière équipe à entrer. On est la première à sortir. Donc, c'est ce que j'ai pour nous. On va essayer de faire du bruit, de se démarquer. Puis, on a hâte de voir. On a comme plein de surprises. Les jeunes ne sont pas au courant de rien. Et nous, on est au courant de quelques petits secrets, mais on veut garder ça secret. OK. Et pour la Saint-Lac-Saint-Jean, il ne faut pas oublier que c'est Mélorie Boivin de Desbiens, oui, qui sera la porte-drapeau. C'est une jeune je pense, elle a 13 ans, puis elle fait très bien sur la scène provinciale, là. Exactement, c'est une jeune de patinage artistique. Elle fera une compétition au niveau surclassé dans le fond parce qu'elle était trop performante pour sa catégorie, là. Donc oui, c'est une jeune à surveiller évidemment au niveau du patinage artistique. Des bons espoirs de médaille, j'imagine aussi, là. Oui, exactement. Là, on va la surveiller très près. OK. Si on parlait maintenant des pistes, on sait que c'est pas l'idéal actuellement ce qui se passe actuellement. Il y a un redout majeur. Est-ce que tu as eu des informations concernant les pistes de ski de fond et toutes les autres disciplines si on travaille fort? Aux dernières informations, les compétitions ne seront pas annulées. Ça va être vraiment au niveau de l'organisation du Saguenay, des Jeux du Québec, excusez-moi, que vous allez pouvoir avoir plus de détails. Mais nous, à la réunion des chefs de mission, on a eu le mot d'ordre que la compétition, par exemple, de ski de fond aura lieu quand même. Là. Ils travaillent très fort, effectivement, là, pour assurer un bon fonctionnement de ces types de compétitions. OK. Est-ce que, Camille, est-ce que tu as eu des informations aussi concernant demain, à quoi ça va commencer? J'imagine qu'il y aura déjà une première journée très, très bien remplie. Exactement. Demain, ça va être une grosse journée. C'est la première journée pour certains missionnaires dans notre équipe. Toutes les disciplines vont être en compétition. Donc, c'est vraiment là les premières compétitions. Donc, oui, c'est une journée qui va être très meublée. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses à surveiller. C'est très intéressant. OK. Donc, les gens qui veulent se rendre, parce que là, bon, c'est à 1 h d'ici, comment ça fonctionne? Ils veulent se rendre. Les sites sont facilement accessibles dans le sens que c'est gratuit. Okay. Concernant le stationnement, j'ai pas vraiment de détails à vous donner étant donné que je suis pas vraiment dans l'organisation des jeux. Là, je suis vraiment ici pour fournir l'information concernant les athlètes. Là, mais je pense que vous pouvez quand même aller voir sur le site des Jeux du Québec pour avoir plus d'informations. OK. Donc, on rappelle qu'à tous les jours, tu seras avec nous demain, même si c'est samedi, dimanche, je vais mettre un reportage en ligne. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Puis Camille, bon jeu du Québec. Je pense que ça commence. Et le fait que c'est chez nous, ben, quelque part, ça facilite un peu la tâche. Je pense que tu as vécu d'autres jeux du Québec, donc ça facilite pas mal la tâche, là. Non, en fait, moi, c'est mes tout premiers jeux. Ah, c'est les premiers jeux du Québec? Je suis un bébé, là, oui. OK. Mais, je meurs d'envie, là, de découvrir. J'ai hâte, je suis super excitée. On est vraiment, on est très hâte. Puis, je vous invite à venir nous voir, à encourager nos ouais, athlètes. Effectivement. Suivez-nous sur la page Facebook du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beaucoup de résultats, beaucoup de photos circulent. Je m'assure de fournir le plus d'informations le plus rapidement possible. Donc, si jamais vous ne pouvez vous déplacer, vous savez où nous suivre. Ben, Camille, gros merci, puis on s'en reparle. Parfait. Donc, on se dit à demain. Camille Girard, la représentante des médias qui sont avec nous tout au long de la semaine.